Dieu, une telle femme, avec un tel poème, que je ne peux toujours surprendre à essayer de vous égaler, pour vous remplacer. C'est aussi inexplicable. Vous étiez celle que je ne peux contrôler, celle que je ne peux autant aimer avec tout paraissait moins pourri. Et je craignais que c'était l'infini. Ça ne s'arrêterait jamais. Et tout s'est aimé. Quand on pleure, on ne le voit pas. Et quand on le fait, quand on ne l'a plus, on est tout petit. Où es-tu? Quelles images tu fais papier? Puis des cheveux dans quelques souvenirs. Retrouver quand on ne l'a. Mais après.